21-31, activation orale, passé composé et négation, pouvoir, révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Il a invité Mireille à déjeuner. Et vous ajoutez. Malheureusement, elle n'a pas pu accepter. 2. Elle a invité Robert à l'accompagner à Chartres. Malheureusement, il n'a pas pu accepter. 3. Mireille m'a invité à aller la voir. Malheureusement, je n'ai pas pu accepter. 4. Les Courtois nous ont invités à aller les voir. Malheureusement, nous n'avons pas pu accepter. 5. J'ai invité les parents de Mireille à dîner. Malheureusement, ils n'ont pas pu accepter.